works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la toute nouvelle édition de l'Inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, à mes côtés Monsieur Pierre-Luc Giroux. Ça va bien Pierre-Luc? Ça va bien toi? Ben oui, ben oui. Écoute, comment t'as aimé ta fin de semaine de football? Ah, ça a bien été de notre côté. J'ai eu quand même chaud là pour le Rouge et Or, mais on a encore gagné. Je pensais jamais que Concordia sortirait fort comme ça. Non, ouais, ça a été surprenant. Ça a été très surprenant, là. Ils ont été chanceux, là. Ben, Rouge et Or, pas eu une très bonne partie, là, mais ça a été, Non, on pensait que ça aurait été plus facile, là, pour Rouge et Or. Définitivement, définitivement. Écoutez, vous le savez, l'Inconduite de partie, c'est un site internet, www.inconduitedepartie.com. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre en studio au live, en commercial, inconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, on va s'entretenir avec JP Grenier, qui est chroniqueur sur le site internet de l'Inconduite, à propos de l'NCAA, de football et de plusieurs autres sujets. Mais aussi, en première partie, Pierre-Luc, ta chronique de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais tout d'abord, aux actualités. Alors, les Pats hockey jouaient 3 parties cette semaine et ils sont en feu. 3 victoires de plus pour l'équipe de l'université. Mercredi contre McGill, l'Inconduite de partie était à la partie en plus, les chanceux. Donc, justement, on affrontait les Redmen de McGill et je dois dire que c'était une partie un peu bizarre pour les Pats. Comme le dit coach Laporte, les gars avaient sûrement un reste de souper d'Halloween dans le ventre pour en jouer une comme ça. Les Pats n'ont pas disputé justement leur meilleure partie et de leur côté, les Redmen sont sortis très forts, très agressifs, mais se sont butés à un Jean-Christophe Blanchard en très grande forme. C'est grâce à lui si la première période s'est terminée 0-0. Toutefois, McGill a continué sur leur lancée, comptant un but à 26 secondes de la deuxième. Les Pats ont répliqué 4 minutes plus tard pour égaler la partie. En gros, les Patriots ont quand même eu l'avantage dans le deuxième tiers-temps. Toutefois, ce fut de courte durée alors que les Redmen sont venus en force en troisième, mais sans pouvoir capitaliser sur leur chance. À la 10e minute, Ken Morin de McGill a fait un très mauvais jeu, perdu la rondelle lors d'une relance, ce qui a donné un échappé à Jonathan Boutin, et on sait que Jonathan Boutin n'est pas du genre à manquer une opportunité comme ça. Il en a profité pour inscrire le but en désavantage numérique. Mais les Redmen sont venus dans la partie alors que Francis Verupa leur a mis le match à 0 à la 12e minute. Donc, avec un score de 2-2 plutôt, une prolongation était nécessaire. Et les Pats ont décidé qu'ils allaient se sauver avec la victoire. Alors que Jonathan Boutin est venu compléter sa soirée de 3 points avec un tir frappé du haut du cercle des mises en jeu pour donner la victoire aux Patriots. À noter qu'il y avait un peu plus de monde dans les estrades, c'était fun à voir. Je veux dire que le monde d'ITR était très, très, très bruyant et ce fut plus qu'apprécié. Le monde nous ont peut-être écouté puis ils sont allés. Ah ouais, c'est on est responsable pour les grosses fausses des Patriotes, pas de doute, pas de doute. C'est ça. Vendredi, c'était l'Université Ryerson qui s'emmenait à Trois-Rivières. La partie fut un peu plus facile pour les Pats. D'ailleurs, c'est une victoire de 4-0 pour les Patriots. Alexandre Demers a réalisé un taux du chapeau naturel, donc 1-2-3, les buts de suite. Francis Charlin a venu compléter le pointage pour les Pats. Ça a été une game très, très, très violente. D'ailleurs, Corey Konechi de Ryerson a eu 17-17 de la troisième période. 5 minutes pour tentative de blesser. 5 minutes de match aussi pour avoir menacé un arbitre. Logan Noble et André Joannis sur le même jeu ont eu des 10 minutes d'inconduite de partie, même que Jacques Laporte a interpellé les arbitres pour leur dire de protéger ses joueurs un peu, tellement c'était pas du brasse camarade, mais des coups salauds. Et samedi contre Toronto, une victoire des Patriots encore. Guillaume Chicoan et J.S. Breton pour les Pats, Robert Kay pour Toronto. Donc, très bonne fin de semaine, trois bonnes semaines même pour les Pats. Trois victoires au classement top 10 de la SIC. Les Pats restent toutefois au quatrième rang, malgré leur fait qu'ils ont la meilleure fiche au Canada avec 9 victoires et une défaite. Félicitations aussi à Alexandre Demers qui a nommé le joueur de la semaine chez les Patriots. Il totalise 22 points 10 matchs avec 1 point dans tous les matchs disputés à date. Donc, wow, quel joueur Alexandre Demers. Chez les Cataractes, sont l'équipe de l'heure dans les ligues de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup trop puissants pour leurs rivaux. Ils ont remporté leurs 12 derniers matchs. Ils sont en tête du classement de la ligue aussi. Samedi, ils affrontaient le Junior de Montréal au Vétus Arena de Verdun. Et ce fut une victoire de 2-1 pour les Cataractes. Dimanche, la machine de Shawinigan a continué sur sa lancée, l'emportant 3-1 sur les remparts de Québec. Et finalement, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, au football de la SIC, le Rouge et Or l'a emporté par la peau des fesses contre les Stingers de Concordia lors de la Coupe Dunsmore, qui est le championnat de football du Québec, pour ceux qui ne savent pas, par la marque de 28-17. Ce fut très, très serré et très, très bon comme match. On va maintenant aller en musique avec un groupe qui vient tout juste de lancer un nouvel album qui est en magasin depuis hier. Le disque fait partie d'un trio dans le fond, c'est qu'il va avoir un CD vendu en magasin, celui que vous allez entendre, un CD vendu en spectacle et un qui sera disponible sur Internet. Donc beaucoup, beaucoup d'inspiration pour Extérieur. On s'en va les écouter avec la chanson Le Complot sur les ondes de C'est Fou 89.1. est 9h18. Nicolas Duchamp, Pierre-Luc Giroux, vous écoutez l'inconduite de partie. Pour nous rejoindre en studio, écrivez-nous au live à commercial, inconduitedepartie.com. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec? Je peux tout de suite dire, les cataractes sont en feu. Je suis les sûr que tu vas en parler. Les cataractes sont en feu, écoute. Donc, cette semaine, on va parler de nos cataractes, comme on a dit, qui sont l'équipe de l'heure en ce moment dans le circuit Courteau. Avec les deux victoires acquises cette fin de semaine, les cataractes sont à un match de record vieux d'il y a plus de 10 ans. Ils ont donc remporté 12 victoires de suite, tandis que le record d'équipe est de 13 établi en 1994-95. Avec ça, les 4 se retrouvent au premier rang du classement général de la SGMQ, 2 points devant les Wildcats de Moncton, mais ces derniers ont 4 matchs en main. Donc, les 4 se sont tout d'abord rendus à Verdun samedi pour y affronter le Junior de Montréal. Ce ne fut pas le meilleur match offensif de nos cataractes, alors qu'on a assisté à une partie très défensive des deux équipes. Les 4 ont commencé très fort en première période avec un but alors qu'il n'y avait même pas 2 minutes de jouer. C'est Cédric Lalonde-McNichol qui est allé pour son 14e de la saison en déjouant le gardien Jake Allen. Mais le Junior n'a pas pris de temps pour répliquer avec un but de Guillaume Masselin, ce qui créa l'égalité. En deuxième période, les cataractes ont repris les devants avec le premier but du jeune défenseur Brad Yetnan, ce qui fut le but gagnant. Les spectateurs n'ont pas pu se mettre grand-chose sur la dent dans le reste de la partie, à part une bonne bataille en troisième période qui opposait le colosse Tommy Gauthier des Cats à Taylor McDougall du Junior. L'équipe montréalaise a tout essayé en fin de troisième période en retirant leur gardien, mais les Cats ont tenu bon. La première étoile du match fut Nicolas Peterson, lui qui a été l'instigateur des deux buts des siens. Puis ensuite, les quatre se rendaient au Colisée Pepsi pour un affrontement très entendu entre les deux formations, car c'était le premier duel qui opposait ces deux équipes qui sont considérées comme les équipes à battre cette année. Les partisans des Remparts ont répondu à l'appel avec plus de 10 000 spectateurs qui ont assisté à ce match. Wow. C'est les Remparts qui ont marqué le premier but de la rencontre alors que Frédéric Roy, le fils du coach Patrick, est venu déjouer le gardien Timo Pallmeyer. C'est une affaire de famille à Québec, hein? Une affaire de famille, écoute. Mais les quatre sont répliqués tôt en deuxième période sur un but controversé du joueur de 20 ans Mathieu Pistilli avec son 20e de la saison. Ce but a d'ailleurs eu besoin de la reprise vidéo. Donc, sur le même jeu, en plus de ça, les Remparts ont eu une mauvaise punition et Dieu sait qu'il faut pas pogner des punitions contre les Cats parce que ça fait mal dans ce temps-là. Un power play de cette force-là, c'est difficile à arrêter. C'est ça. Donc, ce qui devait arriver arriva. 30 secondes après leur premier but, Dave Labrec a déjoué le gardien des Remparts pour faire 2-1. Et comme si ce n'était pas assez, en fin de troisième période, le fils du prodigieux Patrick, Frédéric Roy, a pris une mauvaise punition et encore une fois, les quatre s'en ont profité pour enfler un autre but en avantage numérique signé Maxime Legault. C'est une affaire de famille à Québec, pogner des punitions. C'est encore une fois Nicolas Peterson qui a été la première étoile du match avec 2 passes dans la victoire. Donc, on peut dire mission accomplie pour nos cataractes qui ont donc remporté les 2 matchs en moins de 24 heures. C'est comme on l'a dit tantôt, une 12e victoire de suite pour les hommes d'Éric Veilleux. Donc, les cataractes seront donc de retour à la maison vendredi alors qu'ils recevront la visite des Olympiques de Gatineau. Et c'est le lendemain que les Cats devraient battre le record d'équipe en remportant une 14e victoire de suite alors qu'ils recevront le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances, même si je pense qu'ils en ont pas vraiment besoin. Puis j'espère que vous allez être nombreux là, à aller les encourager parce que c'est pas à tous les ans qu'on réussit à battre un record de concession comme celui-là. Depuis 94, comme tu disais, donc 14 ans. C'est 14 ans, c'est ça. Donc maintenant, on va parler de nos Voltigeurs qui se sont très bien repris en fin de semaine après avoir encaissé 2 revers de suite face aux Cataractes. Ils ont pris la route des États-Unis pour aller jouer 2 matchs face aux Maniacs à Lewiston. Ça a été une partie de plaisir pour eux alors que dans les 2 matchs, on a l'impression qu'il n'y avait qu'une équipe sur la glace. Tout d'abord, le samedi soir, les Voltigeurs ont commencé en feu avec 4 buts de suite en première période avant que les Maniacs s'inscrivent à leur tour au pointage. Ce sont des buts de Riendo, Desnoyers, Gingras et Kulikov et par la suite, les Maniacs ont répliqué avec un but en désavantage numérique de Billy Lacoste. C'était donc 4-1 après une période, mais tôt en deuxième période, Yannick Riendo est revenu à la charge avec un but en avantage numérique et Philippe Lefebvre est venu compléter le travail avec un autre but en désavantage numérique avant que les Maniacs répliquent avec 2 buts rapides. Donc, après deux périodes, le compte était de 6 à 3 pour les Voltigeurs et l'entraîneur des Maniacs, Ed Harding, a décidé de changer son gardien pour débuter la troisième période. Mais ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on a eu droit à toute une explosion de la part de nos Voltigeurs avec 7 buts pour donner un compte final de 13 à 4 pour Drummondville. C'est presque plus un score de football, là. C'est ça, on est quasiment rendu dans une game de football. Eh ouais, habillé avec des casques, juste des casques différents, c'est tout. Donc, les Voltigeurs, avec cette victoire, ont égalé le record d'équipe vieux de plus de 20 ans avec 13 buts dans un match à l'étranger. Les vedettes du match, parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, Dimitri Kulikov avec 4 points, Marc-Olivier Vachon et Mike Hoffman avec 3 points, et Yannick Riendeau qui a inscrit 2 buts dans le match. Le lendemain, toujours à Lewiston, encore une fois, un match à sens unique, alors que les Voltigeurs sont allés d'une autre dégelée. Cette fois, ça s'est terminé par la marque de 7 à 1, et Yannick Riendeau a été le joueur étoile du match avec 3 buts et 2 passes. Il a d'ailleurs été nommé le fameux joueur Boston Pizza de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, les Voltigeurs retournent à la maison avec 2 victoires faciles et ce vendredi, les Maniacs auront la chance de venger leurs 2 grosses défaites de cette fin de semaine alors que ce sera à leur tour de se rendre au centre Marcel Dionne pour y affronter les Voltigeurs. Ce sera une très grosse fin de semaine pour les Volts alors qu'ils joueront 3 matchs en 3 soirs, alors qu'ils recevront les Wildcats de Moncton samedi. Ils se rendront à Victoriaville dimanche pour y affronter les Tigres. Ce sera le 2e affrontement entre les 2 équipes, alors que les Tigres avaient remporté le premier duel par la marque de 3-2 au début octobre. On va en parler justement de nos Tigres, eux qui tentaient de mettre fin à leur série de 4 défaites de suite alors qu'ils recevaient les Sags au Colisée Desjardins vendredi. C'était le 2e affrontement entre les 2 équipes en moins d'une semaine, alors que les Sags avaient remporté le premier match par la marque de 4 à 1 au centre Georges Vézina dimanche dernier. Les Sags ont été les premiers à marquer tôt en 2e période avec un but de Dominique Jalbert, mais les Tigres ont répliqué quelques minutes plus tard alors que Maxime Tanguay a réussi à déjouer le gardien Shane Colton. Les Sags ont repris les devants dès le début de la 3e période avec un but de Nicolas Deschamps, mais Alexandre Labonté est venu ramener les 2 équipes à la case départ pour faire 2 à 2. Mais encore une fois, les Sags ont répliqué à ce but alors que Jacob Lagacé est venu déjouer le gardien des Tigres, Kevin Poulin, et s'en était fait des Tigres. Par contre, le score final n'indique pas vraiment l'allure du match, car les Tigres ont largement dominé les Sags au chapitre des tirs. La première étoile du match a d'ailleurs été le gardien des Sags, Shane Colton, qui a repoussé 37 des 39 tirs dirigés vers lui. Puis, samedi, les Tigres recevaient la visite du Drakkar de Baie-Comeau, toujours au Colisée Desjardins. Les Tigres ont commencé la partie d'une très belle façon en inscrivant 3 buts en première période. C'est des buts de Tanguay, Heinz et Mekizak, ce qui a envoyé le 2e gardien du Drakkar, Marek Benda, aux douches. Mais ce changement de gardien a porté fruit au Drakkar alors qu'ils ont répliqué à leur tour avec 3 buts de suite via du trio de Gabriel Bourque, Guillaume Goulet et Félix Petit. Donc, après 2 périodes, c'était 2 à 2. En 3e période, on a eu droit à beaucoup d'actions, mais c'est seulement en fin de match que Brendan Hines des Tigres, avec son 2e du match, a déjoué le gardien Marco Cousino. Puis, quelques secondes plus tard, les Tigres sont venus clouer le cercueil du Drakkar avec un but de Alexandre Labonté pour faire un pointage final de 5 à 3 pour les Tigres. Encore une fois, le score final n'indique peut-être pas tout à fait l'allure du match, car contrairement à la veille, les Tigres se sont fait dominer au chapitre des tirs par 41 à 29. Donc, une petite mention là, pour le gardien des Tigres, Kevin Poulin, qui a joué un excellent match, a fait des belles arrêts. Je pense qu'il y a un point positif là, quand même dans cette victoire-là. Oui, puis les Tigres jouent très bien présentement quand même. Là. Ça va bien on quand s'attendait même. Pas à aussi bon de leur passe cette saison, personnellement. Là. Non, c'est ça comme les Sags. Je pense que ça le match a tourné de l'autre bord, mais je pense que la victoire là, a dû vraiment aller du côté des Tigres parce qu'on a vraiment vu un effort collectif de l'équipe des Tigres pendant toute la partie. Je pense que les Sags étaient débordés. Mm-hmm. Bon, ben, c'est bon pour le monde de Victo, au moins, de pouvoir aller voir leur gars pour en être fier. Yes, donc en plus de ça, avec cette victoire, Victoriaville ont donc mis fin à leur séquence de 5 défaites. Enfin, ça fait du bien. Donc les Tigres se rendront à Rimouski vendredi pour y affronter les hôtes de la Coupe Memorial Océanique avant de revenir au Colisée Desjardins pour y affronter les Voltigeurs dimanche. Donc, en terminant, quelques petites nouvelles dans la LGMQ. Alors, on parle beaucoup de records cette saison. Eh bien, un autre record a été fracassé cette semaine alors que les Wildcats de Moncton ont battu un record vieux de 1976-1977 en remportant 9 victoires de suite à l'étranger en débutant la saison. Donc, c'est encore une fois un autre record cette année fracassé. Je pense qu'on va en avoir une coupe de saison. C'est quand même une saison historique. Est-ce que c'est la division des Wildcats qui est vraiment pas bonne? Ou c'est eux qui... Ben, aussi, là, non, j'en je pense suis sûr, qu'on, mais... Les Sea Dogs qui n'ont pas très bien commencé la saison quand même. Mais, ils sont pris un peu. Ouais, ils vont être là. Moi, je suis sûr, en fin de saison, les Sea Dogs, ça va être une équipe à battre. Mais les Wildcats sont... Rigopel est en feu. Ouais, ouais. Rigopel est pas arrêtable. Même le gardien suppléant de l'équipe a, je pense, une défaite en 7-8 matchs là, environ. Là. Donc, ouais, c'est ça. Ça joue très, très fort. Ouais, pourtant, on s'attendait pas à ça là, que les Wildcats soient aussi forts cette année. On pensait vraiment que Saint-Jean allait être tout seul dans la section. Puis pourtant, regarde, on a encore une fois des surprises. C'est surprenant. Donc, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de records qui se passent cette année. Et je pense que ça va être une saison historique cette année. C'est la 40e saison. Donc, ouais, les joueurs ont décidé de célébrer ça. Ouais, c'est ça. Regarde, on a vu les Remparts qui ont failli battre un record dernièrement qui n'a pas été battu. Les Wildcats qui viennent de battre un record. Les Cataractes qui vont battre leur record d'équipe. Les Voltigeurs qui ont battu un de leurs aussi. Je pense que cette année, là, on est dû pour une saison, comme on pourrait dire, pas assez équilibrée. Okay. Dans le sens que on a vraiment des équipes qui sont très, très fortes. On a des équipes que, comme les Maniacs de Lewiston, là, quand tu perds 20-4 contre les Voltigeurs dans la fin de semaine, là, c'est pas terrible. Mais je pense que c'est 2 ans que les Maniacs étaient à la Coupe Memorial. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont encore un peu en reconstruction. On avait un très bon coach, Mario Durocher, qui était là dans le temps. C'était pas Clément Jaudoin? Oui, je pense que c'était Clément Jaudoin. Désolé de pas certain. On va vérifier ça. Puis il y avait, je pense, Jonathan Bernier dans les buts aussi. Ouais, c'est t'avais, ça. T'avais c'est plusieurs bons joueurs, là. Donc, ouais. Fait que c'est pas facile pour eux, là, cette année. Yes. Aussi, ensuite, la Ligue junior majeure du Québec a émis un premier rapport d'assistance et on a pu voir une augmentation d'affluence dans 11 des 18 formations du circuit. Les 11 les plus visibles sont à Drummondville, avec une augmentation de 18%. Dans le vieux centre Denise Guy. Yes, ils ont décidé cette année de venir les encourager. Ouais. Mais c'est sûr qu'on commence à avoir un meilleur club là, à Drummondville. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Ça remontait, je pense, à la tendresse là, avant qu'on ait un aussi bon club à Drummondville. Ouais. Ouais. Donc, ensuite de ça, il y a Gatineau qui a une augmentation de 11% et à Moncton avec presque 10%. Donc, la moyenne de la Ligue avec tout ça est de 3285 partisans par match. Et pour terminer, les joueurs de la semaine sont du côté offensif Yannick Riedo des Voltigeurs et du côté défensif, le gardien Timo Pallmeyer. Pallmeyer, le cerbère des Cataractes de Shawinigan. Yes. Et écoute, ben, je vous remercie beaucoup, Pierre-Luc. On passe à une pause au retour de cette publicité. On reçoit par téléphone JP Grenier, la légende, qui va venir nous parler de football et d'une multitude d'autres sujets. On se revoit dans 2 minutes. Radio Radio et Gatineau en spectacle à l'Embuscade le 13 novembre prochain à 21h. Venez danser sur les rythmes fous des deux formations les plus hip-hop les plus vues au Québec. Entrée 10$. Une présentation de Bon Sound, C4, C'est Fou et Boréal. Radio Radio et Gatineau à l'Embuscade le 13 novembre prochain. Faites une rentrée remarquée. Il se déroulera la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Pour de l'information sur les perspectives d'emploi, les postes à combler et la façon de postuler. Plusieurs milieux scolaires représentés à la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Venez en grand nombre. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Oh non! Pas quand tu paries avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bières et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui saura vous conseiller, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des Forges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, sûr! C'est beau en plus! Taverne irlandaise, le trèfle. 363 des Forges. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas.

Yes, salut les gars, bon matin. Hey, bon matin, JP. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, écoute, fais beau. Hey, JP, présente-toi donc pour ceux qui te connaissent pas, là. Ben, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un étudiant de l'Université de Sherbrooke. Présentement, je ne suis pas à Trois-Rivières avec vous autres, les gars. Je présente mon téléphone dans mon luxueux demeure de Sherbrooke. Ben, donc, écoute, ben, toi, hein? on s'en doutait même pas que t'étais même pas avec nous autres. On n'avait pas remarqué dans ton ton de voix. Écoute. OK, c'est ça. Moi, je suis un étudiant bachelor en histoire. J'entends ma première année, donc c'est ça. Puis, sportif? Je suis passionné de sport, puis je viens de la même région que toi, Nicolas, Saint-Hyacinthe. Les Mascoutins. Le bon vieux 4-5-0. Le 4-5-0, mon réseau, mais dans le sud. Yes, sir. Alors, JP? Oui? Tu l'as dit toi-même, étudiant à l'Université de Sherbrooke. J'ai une question très difficile pour toi ce matin. Oui, donc, mon Nick. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Varior? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Varior? Je suis moi-même très déçu. Écoute, on a perdu deux fois contre Concordia cette saison. Mm-hmm. La deuxième fois, c'était en série éliminatoire. Malheureusement, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase dans le sens qu'on s'est fait éliminer. Je pense que ça a cassé le vase, même. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. On était parti sur une bonne lancée au début de saison. Un début, je pense, on était 4 ou 5-0. Après, il y a eu des difficultés contre Bishop, mais après, ça s'est gâté. Faut dire qu'on n'a pas pogné non plus un horaire très, très difficile. Au début de saison? Non, ouais, c'est ça. On a pogné McGill en partant. Après, je pense que c'est plutôt contre Bishop, ça a fait mal. On aurait dû gagner le premier match. Ça s'est décidé en fin de match. Puis, c'est ça. Après, on a pogné Acadia. Par exemple, on a battu Montréal. Ouais, je pense que je suis assez fier. Ça a été le moment de l'année à Sherbrooke, tant qu'à moi. Exactement, c'est ça. Une grosse foule. Plus que 8000 personnes. Plus que 8000 personnes, hein. Il y avait de l'ambiance dans la place. Puis, oui, en effet, contre Bishop, vous l'avez échappé pas à peu près. C'est ça. Vraiment un mauvais match. On avait quand même de l'espoir contre Concordia parce que c'est quand même un club qu'on peut tenir tête. Puis, on se compare quand même au niveau football. Sauf que, non, c'est ça. Il y a eu une mauvaise température. Mauroué s'est blessé. Tu vas pas blâmer ça, sa température. Il y avait comme un duo de porteurs de ballon. Pascal Fils, Joseph Mouroué, excellent duo. Malheureusement, Joseph s'est blessé dans le dernier match. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Non, c'est sûr. C'est une blessure à Joseph Mouroué, ça fait jamais de bien une équipe. Hey, JP? Yes? T'as-tu su la nouvelle à matin, le COC, le Comité olympique canadien? Oui, qui refuse... j'ai entendu ça à la radio quand je me suis levé et aussi sur Internet. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas la nouvelle, puis à Luc? Yes, donc à Québec, on pensait peut-être... joindre notre candidature pour les Jeux de 2018-2022. Le COC, justement, a annoncé hier à RDS que non, ils n'opposeront pas la candidature de la Ville de Québec pour ces deux années-là. Donc, il va falloir encore attendre. Le comité de Marcel Aubut était prêt. Pourtant, regarde, on va falloir encore attendre. Puis c'est décevant parce que même Jean Charest avait commencé à mettre de l'accent là-dessus pour sa campagne. Il avait dit qu'il allait construire un nouvel amphithéâtre, premièrement, puis deuxièmement, qu'il allait peut-être essayer d'avoir les Jeux olympiques. On vient de se faire carrément enlever ça, là. C'est un peu décevant pour la Ville de Québec, je te dirais. Puis je comprends pas pourquoi... Tu sais, je veux dire, les Olympiques d'hiver vont avoir été en 2010 à Vancouver. Il me semble que 16 ans plus tard, c'est un chiffre... pas 16 ans, excusez. C'est 8 ans. 12 ans plus tard. 12 ans. Tu sais, on est Canada, là. On est la capitale de la neige dans la planète, là. Puis on s'entend qu'avec le 400e de Québec qu'on a eu... Ouais, ben là, ça sera plus 400e dans 12 ans. Non, je sais, mais tu sais, je veux dire, Québec a eu une belle vision par rapport à tout le monde. Je pense que ça, les shows de Céline, etc., ça a été vu partout à travers le monde. Puis je pense que ça aurait été bon d'envoyer la candidature de Québec là-dedans parce que c'est quand même une très belle ville d'hiver. Puis avec des beaux monuments historiques, je pense que ça aurait été intéressant là, d'envoyer notre candidature, ça c'est certain. Ben, le problème qu'il disait avec Québec, c'est qu'au niveau des montagnes, il n'y a pas de montagne assez haute pour faire la course. Il faudrait creuser dans le bas, en tout cas de ce que j'ai compris l'autre fois à la télé, il faudrait comme creuser dans le bas pour rendre la montagne. Ça prend 800 mètres de dénivelé. On a le Mont-Saint-Anne, non, mais ça serait la Charlevoix en tant que telle qui est au massif, qui est la piste la plus difficile. Peut-être faire, les gars, peut-être aussi, c'est demander, mettons, à JP ou ces montagnes-là qui sont quand même assez grosses, mais même encore là, c'est au Vermont. Ah, c'est au Vermont, c'est vraiment loin. C'est ça le désavantage. Tu peux pas faire les Jeux olympiques... Canada, États-Unis, et moins, ça serait la première fois, je pense. Ouais, ça serait la première fois. Parce que tu es à Vancouver, t'as les Rocheuses, t'as tout cet avantage-là, tandis que... ça s'était parlé un moment donné de faire ça, une candidature, je crois que c'était Québec Lake Placid, qui était donc avec Whiteface, la montagne Whiteface, mais malheureusement, là, ça s'est pas matérialisé. Je pense pas que ça aurait marché de toute façon. Je pense pas. C'est pas non plus l'intérêt des Américains là-dedans. Là. Ça fait quand même plusieurs qui ont de suite, là, Atlanta, Salt Lake City, puis il y en a pas une autre qui s'en vient. Oui, ils ont appliqué. Il y avait mis à New York sur la map pour 2012. C'est l'homme qui l'a eu. Ça a pas marché, mais. De toute façon, on est en situation de récession économique. C'est pas le temps de faire des projets. Hey, JP. Yes. T'as écouté la game de football en fin de semaine, Laval? Ouais, j'ai pas manqué ça, c'est sûr. T'as-tu eu peur aussi? Excellent game. Pour une fois, Laval a eu de l'opposition. C'est le fun, hein? Ça fait du bien, là, de temps en temps. C'est une couple d'années que la Coupe d'Antimore, c'était dans le sac, comme on peut dire. Concordia ont très bien joué. On a failli l'emporter, même. Ouais, ben c'est pas assez proche, hein? C'est une interception en fin de partie qui les a crevés. Plus la course en fin de match de... C'était 96 verts, je pense. Ouais, boy, par cœur, je me souviens plus, là, mais Alex Deschênes, je crois. Alex Surprenant, c'est celui qui a fait l'interception. Alex Deschênes, si je me mélange pas. En tout cas, au pire, je vérifierai. Ben, donc, dans le fond, c'est déjà une même que Laval ont qui peut changer le match, là. Par exemple, Bishop, il y avait Jamal Lee. C'est le même genre de joueur qui peut changer le match. C'est sûr que Laval, eux, s'attendaient peut-être que ça soit plus facile. Je pense qu'ils ont été soulagés en fin de match que, justement, ce bonhomme-là effectue une telle course. Ça a vraiment cassé les reins des Stingers. Puis, même l'interception. Pauvre Gerald McGrath. Pauvre coach qui se donne depuis année après année, qui joue dans un stade, en tout cas, le campus de Loyola, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Personnellement, c'est un beau parc si je vais emmener promener mon chien, mais si je veux jouer au football... un peu comme le Coulterfield. Ouais, c'est un peu comme le Coulterfield à Bishop. Mais écoute, il y a autant de monde qu'à McGill, donc c'est un stade moins vide en tant que tel. Non, c'est ça, mais ce qui arrive aussi dans ces stades-là, c'est qu'il y a un petit peu moins de sentiment d'appartenance pour l'équipe, donc... Tu te ramasses avec des fans de Laval, de toute façon. Ah, ben sûr, les fans de Laval, ils sont partout, de toute comme façon. Comme toujours. Ils jouent... Ouais, c'est ça, les maniaques des Raiders d'Oakland qui se déplacent partout avec leurs armures, là. Ça, c'est spécial. Mais en tant que tel, côté football, là, je pense qu'on était servant en fin de semaine, là. La température, c'était le fun. Puis non, on a eu un bon show, je pense. Mm. Puis ça regarde bien pour les années à venir, car je pense que si Laval peut avoir un peu d'opposition, ça te fera pas de trouble. Ben, ça va être meilleur pour les codes d'écoute puis le spectacle en général. Il va avoir plus d'intérêt au sein de la Ligue, puis elle peut juste être gagnante. Exactement. JP? Yes? NCAA, oui. La National Collegial... Athletics Association, donc le sport universitaire américain, pour ceux qui connaissent pas ça. Il y a un règlement qui est sorti cette semaine en tant que tel. Donc, on compte maintenant, tu vas pouvoir en parler, on compte maintenant les années de cégep comme des années d'admissibilité aux États-Unis, dans le fond. Ben, pour ceux qui connaissent pas ça à la maison ou dans votre auto, un joueur doit jouer 4 ans aux États-Unis. Il joue sa saison freshman, sophomore, junior puis senior. Donc, peut jouer 4 ans, est admissible 4 ans. Mais avant, ce qui arrive, c'est que les cégeps étaient pas comptés là-dedans. Maintenant, les cégeps vont être comptés. Donc, admettons qu'on a joué un an au cégep, on s'en va à l'université américaine. Bon, ben, on vient de perdre avec ce nouveau règlement la première année d'admissibilité, ce qui donne justement pas le goût à l'université de te repêcher. Un gars, lui donner une bourse d'études, puis pour que le gars qui s'en aille 2 ou 3 années après à place de son... Dans le fond, c'est les études au complet 4 ans. Là. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que, dans le fond, un joueur qui a assez de talent pour aller... C'est quand même une bonne ligue. Ça se compare un peu aux juniors majeurs. C'est peut-être un peu moins fort, mais les gars sont tous plus vieux. Puis le système de jeu, il est différent. Dans le cégep ou dans le collège? Le collège américain, c'est ça. Ouais, il y a du gros calibre là, dans le collège. Là. Exactement. T'sais, t'as des gars qui vont être repêchés de la Ligue nationale quand même. Fait que ce qui arrive, dans le fond, c'est que le gars... qui veut poursuivre plus ses études académiques, qui est bon à l'école, qui a moins le goût de s'investir dans le junior majeur, parce qu'on sait que c'est quand même gros des heures de bus, les études en prennent quand même un coup, va peut-être plutôt opter pour le junior 3A, se faire remarquer là, puis aller ensuite, en même temps en allant au cégep, ensuite aller au collège américain, Mais là, ce qui est arrivé, Nicolas, c'est que c'est ton compagnon journalistique, Serge Lemaigne. Serge Lemaigne, ce qui rapportait ça. J'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Ouais, ben, à vrai dire, j'étais sa galerie de presse, à partir des Patriotes, quand on a su à propos du règlement, justement. Okay. Mais, c'est ça, là, c'est ce qui arrive. Puis je sais qu'il y a des joueurs, ça affecte surtout les joueurs de basket. Puis comme tu dis, le hockey, parce que c'est les deux places qu'il y avait le plus de Québécois qui sortaient pour aller aux États-Unis, là, dans le fond, là. Exactement. Tandis que, mais là, le cégep, ça va compter pour le football aussi? Ben, je pense que ouais, sérieux, parce que la NCAA, ce qui arrive, c'est que chaque discipline, c'est une ligue à part, mais c'est pas mal tout le temps tous les mêmes règlements. Je pense pas que là c'est arrivé au basket, mais est-ce que les autres vont faire des compromis? Ça, je le sais pas. Ce qui est arrivé, c'est que les gars étaient leur troisième année universitaire américain. Okay. C'est-à-dire ils étaient juniors, mais il y avait déjà deux ou trois années de cégep. Ils sont donc dans le fond, ils sont arrivés pour prendre l'autobus pour aller à je pense qu'ils jouaient, je me souviens plus où ils jouaient, mais eux autres, c'est Eastern Michigan. OK. Puis dans le fond, ils ont dit de débarquer du bus, vous restez à la maison, vous pouvez pas aller jouer. Parce que vous tombez inéligible. Puis tu sais, la saison commence très bientôt, là. Je pense que c'est début de la saison, c'est quoi? Ouais, ça commence là, dans les prochains jours, si je me trompe pas, là. Très, très, très bientôt. Ben, c'est ça, là. La saison, c'est pas comme s'il était en plein milieu de la saison, là. Basket universitaire, ça commence durant l'hiver. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est plate pour ces gars-là, qu'ils font quoi maintenant? Ils peuvent plus jouer. J'espère qu'ils ont encore leur bourse. Je sais pas. J'espère qu'ils ont encore leur bourse, parce qu'au prix que ça coûte pour aller dans une université américaine. Ben, c'est ça. Si tu perds ta bourse. Si tu as le choix d'aller là, c'est parce que, justement, ils te payent ton université, ils te payent ton appart, des fois, ils te peuvent te prêter un auto. Ils n'ont pas le droit de donner de l'argent aux personnes, sauf qu'ils donnent des cadeaux dans le sens. Ils peuvent te trouver une job à 40$ de l'heure pour, surveiller des enfants. Exactement, c'est ça. Ils peuvent pas être commandités, sauf qu'ils peuvent donner des bourses, qui fait que les gars, ben, ils voyagent puis ils viennent jouer là, là, dans le fond. Mm-hmm. Puis moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que, encore une fois, le Québec va être désavantagé par rapport aux autres provinces. Oui. Je veux dire, on est les seuls qui ont le cégep. Moi, je suis un peu plus ou moins d'accord avec ça, là. Puis c'est ça que je trouve plate là-dedans. Tu sais, le gars de l'Ontario, à 18-19 ans, il va être recruté par, Yale. Yeah. Il a des excellentes notes. Il va jouer pour quand même un programme de prestige au hockey. Puis le gars du Québec, ça fait... un an et demi, deux ans de cégep qu'il fait, il a des super bonnes notes, sauf que là, il dit non, excuse, parce que tu vas arriver déjà junior, puis JP, on veut pas mettre d'argent dans toi. Je pense à ça, là, puis j'ai l'impression que ça l'affectera pas le hockey, par contre. Faudrait vraiment avoir plus de détails là-dessus, parce que c'est encore flou comme réglementation, mais je pense que ça l'affectera pas le hockey, parce que le hockey n'est pas une ligue de cégep. C'est une ligue, c'est du junior. C'est techniquement, c'est du junior tier 2 qu'on appelle. Donc, pas comme collégial 3A au basket. Non, c'est ça. Tandis que collégial 3A, qui est une ligue d'université, c'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis un petit peu les junior college. Les prep school. Prep school, les junior college, un petit peu, qui sont comme des collèges où est-ce qu'ils se jouent du football, tout ça que les gars vont étudier avant de s'en aller, de rentrer dans la plus grosse université. Le meilleur exemple, si je me trompe pas, que je peux dire, c'est Rudy. Tu sais le film Rudy, là? Ouais. Quand Rudy étudie à une autre université, là, il étudie ailleurs pour avoir des meilleures notes pour rentrer à Notre Dame. Si je me trompe pas, c'est justement ça qu'il est dans un junior college. OK. Mais ses années d'admissibilité sont comptées. C'est pour ça qu'à la fin, Rudy, qui commence à jouer, il est déjà dans sa quatrième année. Ouais. Puis là, on connaît la fin de l'histoire. Il joue pas là. Gros, par exemple? Non, il joue pas gros. Il fait deux jeux, je pense. Puis, mais c'est une belle histoire. Ouais, c'est ça. Tellement un bon film. T'as bien raison. Mauvaise équipe, mais bon film. Donc, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça va plus affecter tout ce qui est joueur... de collège, pis tout ce qui est, tous les gars qui jouent dans le cégep, dans le fond, mais pas dans le junior A, junior 3A, parce que t'as encore, tu sais, tout ce qui est BCHL, tout ce qui est les ligues, donc, je pense pas que ça va affecter le hockey, mais ça va affecter surtout basket, là, pis, peut-être football aussi. Sauf que, dans le fond, BCHL, les gars sont quand même jeunes encore. Ben, c'est le même âge. C'est les mêmes âges que la junior 3A. C'est junior 3A, hein. Ouais. Sauf, Colombie-Britannique. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, en tout cas, vraiment, là, ça va être ça. Hey, changement de sujet? Oui. T'as-tu écouté Penn State, la défaite de Penn State en fin de semaine? Ça fait mal encore une fois. Ah, écoute, ils viennent de se faire sortir de la lutte. C'était gros cette année. Joe Paterno, leur coach de quoi, 80? Je pense qu'il est rendu à 148 ans. Joe, le vieux Joe, qui en arrache. Ouais, ben, c'est ça, il visait gros cette année, veut pas, c'est plus une année de reconstruction, là. On a quelques gars que ça fait des années qu'ils sont là. Mm. Je pense qu'ils voulaient bien un championnat, un BCS cette année. Ça regarde malheureusement bien. Pour eux, ça s'est mal terminé. Et en plus, ils ont perdu pas contre une grosse équipe, là. Ils ont perdu contre Iowa. Iowa, je pense. Un joueur, sauf que c'est pas un USC ou ben Oklahoma ou encore. Ou Iowa State. Ils ont battu Iowa State, justement, là. Donc, on s'attendait à une victoire contre au moins Iowa, là, qui sont, comme tu dis, pas un très gros programme, là, en tant que tel. Ben, pas un très gros. C'est un très bon programme, mais pas une force dans la NCAA. Ah, c'est ça. T'avais les gros clubs cette année, ils sont tous tombés. T'avais Penn State. Ohio State, USC. Ils sont rendus 8-1, ils ont tombé. Georgia, c'était comme, au début, ils étaient numéro 1. Classé numéro 1, ouais. Ils sont rendus 8-2, ils sont rendus 10e. Fait que, tu sais, il y a gros des surprises cette année, puis c'est ça, je pense, qui est intéressant. Pendant ce temps-là, Boise State est rendu comme 1e? Boise State. Ils ont-tu perdu, là? Ils sont encore parfaits, Boise State? Ils viennent les autres, c'est différent, parce que... Ils jouent dans la WAC, dans le fond. Ils jouent dans la Western Athletic Conference, qui est une conférence qui fait pas partie du programme BCS, qui est réservé aux plus grosses conférences pour aller faire les plus gros matchs de bowl. Dans le fond, c'est juste une affaire d'argent, là, tout simplement. Exactement. Mais... C'est dommage pour cette équipe-là, parce qu'à tout, année après année, ils mettent des gros clubs, ils ont des bons, excellents joueurs, une équipe vraiment offensive, le fun d'avoir joué, puis ils jouent devant un stade de quoi, 20 000 personnes? Non, Boise State, c'est 45-50 000. Le gazon est bleu. Le gazon est bleu, le fameux stade, pour ceux qui l'ont vu à la télé, où est-ce que le gazon est bleu sur le terrain et non pas du gazon vert comme on connaît. Mais ils sont 9-0, puis sont 11e. Sont 11e dans le BCS ou dans les poules? Dans les poules, OK. C'est ça, là. Ben, gars, ils ont encore une excellente chance de monter encore. Ça des clubs là qu'ils perdent, quand ça perd Texas Tech, quoi qu'il en reste plus ben des invaincus là. T'as Alabama, Texas Tech, puis t'as Utah. Utah c'est un autre qui est directement dans la même situation que Boise State. Ils sont dans le MAC, je pense. Par cœur là, je pourrais plus. Dans le MAC ou dans peu importe là, en tout cas c'est pas grave. Les universités qui ont pas autant de visites nationales que des équipes comme Michigan, Notre-Dame ou encore USC, par où commencer. Puis justement là au niveau de puis Boise State tout ça, tu te rappelles le match contre Oklahoma? Le deux ans, le Fiesta Bowl, là, la fin émotif. En prolongation, les jeux magiques, puis tout ça, là. C'était beau. C'est le genre de game-là à Noël que c'est le fun pour les bowls. C'est le fun pour les bowls, c'est le fun pour écouter ça en famille, même si on n'est pas des fans de football. Hey, JP! Oui? Il faut quasiment se quitter, là, déjà, là, parle trop. Poignée de main de la semaine, mon JP, à qui tu donnerais ta poignée de main? Poignée de main, là, je le donne à mon bon vieux chum, Glenn Constantin. Oh! Glenn, qui année après année, met un club solide sur le terrain, emploie des bonnes stratégies, quoique samedi dernier, on a failli l'échapper. Mm-hmm. Sauf que Coupe Vanier après Coupe Vanier, je pense que cette année encore, on fera pas... On va encore gagner ça. Ça serait intéressant. Une petite dynastie, si on veut, Laval. Moi, la poignée de main, je la donnerais pas juste à Glenn, mais je la donnerais à tout le programme sportif du Rouge et Or de l'Université Laval, année après année. Comment je pourrais dire ça? En tout cas, hey, JP, faut te couper. On parle trop, comme d'habitude. Il est 3h, on ferme. OK. écoute, JP, merci beaucoup. On va passer à la partie calendrier de la semaine. Yes. Donc, calendrier, bien vite. Donc, comme vous l'avez entendu, ça va être la Coupe UTEC en fin de semaine entre les Dinos de Calgary et le Rougeur de Laval. Les Dinos qui surprennent beaucoup dans leur conférence. De l'autre côté, pour les champions d'Atlantique, les Huskies de St. Mary's vont affronter l'Université Western pour la Coupe Mitchell. Les deux matchs sont diffusés sur les ondes de RDS à midi et 15h30. Et pour les Patriotes, le calendrier, ils seront en Ontario cette semaine. Ils vont affronter Toronto, Ryerson et Carleton. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Excusez, les matchs juniors, mon PL. On n'oublie pas les matchs juniors. Écoute, premièrement, à Shawinigan, en fin de semaine, on a deux matchs. Vendredi, les Cataractes vont recevoir les Olympiques. Samedi, on reçoit le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Deux matchs en fin de semaine à Drummondville, alors que Lewiston sera les visiteurs vendredi et Moncton seront les visiteurs samedi. Et un autre très bon match, je pense que ça serait le match à citer, les Voltigeurs qui seront à Victoriaville dimanche